La deuxième mise en garde, c'est la mise en garde contre ta'til, la négation et le rejet et de démentir un nom d'Allah ou un de ses attributs. Par exemple, Allah il dit, Allah Sami', il entend tout, et le Mu'tazili dit non, il n'entend pas. Ça, c'est ta'til. Ta'til, ça peut être yani, général, et ça peut être par rapport à certains noms et attributs d'Allah.